fa pipì non sai quanto. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Critique-moi si tu peux, l'émission qui vous parle de cinéma alors que les cinémas sont toujours fermés. Et je me tourne vers les chroniqueurs qui vont m'accompagner aujourd'hui. Bonjour Sylvia. Salut Mika. Bon retour Seb, tu as terminé l'intégrale des Steven Seagal? Ouais, mais par contre j'ai une objection, t'as dit qu'on parlait de cinéma pendant qu'ils étaient fermés, pour moi soir on parle pas de cinéma, mais bon. spoiler. Et bonjour Antoine. Bonsoir même. Alors du coup, sans transition, on va passer effectivement au film du jour. Je rappelle notre méthode de sélection, entre guillemets, pour sélectionner le film de l'émission. Il y a un fil rouge qui conduit à un lien entre le film de l'émission précédente et le film de l'émission qui suit. Cette fois-ci, le lien, c'était le jour de sortie. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Et cette fois-ci, c'est Antoine qui s'y est collé pour choisir le film dont on va vous parler, qui s'appelle... Nos années folles d'André Téchiné, c'est une très belle histoire que je qualifierais de passionnelle. Et une histoire d'amour entre Paul et Louise pendant la Première Guerre mondiale. Lui ne veut pas aller au front. Il est même soupçonné de s'automutiler pour pouvoir être exempté. Et finalement, justement, comme on lui dit qu'il risque la cour martiale, il déserte, il s'enfuit de l'hôpital, aidé par sa femme. Et pour ne pas être retrouvé, toujours avec la complicité de sa femme, il se déguise en femme. Et ça marche tellement bien qu'il vit une bonne dizaine d'années comme ça. Qu'il fait bon, auprès de ma blonde, qu'il fait bon de moi. Alors, Nos années folles, c'est un film d'André Téchiné qui est sorti en 2017 avec au casting entre autres Pierre Deladonchamp, Céline Salette ou Grégoire Le Prince Ringuet. Donc, je me tourne vers toi, Antoine. Pourquoi ce film en particulier et qu'est-ce que tu lui as pensé en bref? Alors déjà, pourquoi ce film? Bonne question. Alors, vu la contrainte que j'avais quand même pas un large choix de film, donc on va dire que c'est un choix par défaut. Le film d'avant, donc, qui était... Oh, les excuses. Non, mais si, bah attends. Même si t'avais eu le choix, t'aurais pu le choisir, j'en suis sûr. Non. Le film d'avant, donc, c'était le film de Robert Zemeckis, Apparence, qui était sorti, donc, le 13 septembre 2000. Et alors, ma seule base pour les dates de sortie de film, c'était Wikipédia. J'ai trouvé quelques sites qui arrivaient à recenser, mais souvent, quand je contrôlais avec Wikipédia, c'était pas toujours exact. Alors, bon, je suis parti du principe que Wikipédia avait raison. Donc ma contrainte, c'était sorti le même jour, mais heureusement, on n'avait pas dit la même année. Donc il fallait, donc le 13 septembre 2000, honnêtement, il n'y a rien que je connaissais qui est sorti. La semaine d'avant, il y avait eu Space Cowboy de Clint Eastwood, et la semaine d'après, il y a eu Les Rivières Pourpres, mais alors le 13, c'était mort. Et donc j'ai cherché dans les années, depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Donc on a eu en 2006, qui est tombé donc un 13 septembre, et après plus rien jusqu'en 2017. Donc 2006, pareil, j'ai rien trouvé qui m'intéressait. Et donc là, 2017, bon, pas grand-chose. Il y avait ce film avec donc de Claude Sauté. Alors, il y avait ce film avec donc de d'André Téchiné. Alors perso, moi, j'ai jamais vu de film d'André Téchiné. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, ce sera le premier. Mais ce qui a surtout retenu mon attention, c'est les deux acteurs principaux. L'actrice donc Céline Salette, que j'avais découvert dans la série Les Revenants. Et que j'ai pas regardé toute sa filmographie, mais généralement je la retrouve dans des films que je regarde et j'aime plutôt bien ses choix. Alors c'est vrai qu'elle reste, je sais pas si elle est très connue en fait du grand public. Et après bah le non non ouais. Et après donc le rôle masculin, c'est donc Pierre Deladonchamp, énorme acteur que j'ai connu dans L'Inconnu du Lac, donc énorme film aussi. Ça, il faudrait qu'un jour on arrive à le placer, celui-là. Ça va pas être facile. Et en fait, depuis que je l'ai donc vu dans ce film, pareil, j'ai beaucoup aimé et il m'arrive de temps en temps de le recroiser dans mes sélections de films. Pareil, il a jamais fait de films qui ont cartonné, donc je pense qu'il reste il reste assez méconnu dans la galaxie du cinéma français. En tout cas, bon, pour c'est les deux têtes d'affiche du film d'auteur. Hein. C'est deux têtes d'affiche du film indépendant français. Hein. Et c'est vrai que à chaque fois que je l'avais vu dans d'autres films, donc il y avait quoi? Il y avait le Christophe Honoré, Plaire, Aimer et Courir vite. Et puis j'avais vu dans Le Fils de Jean, donc son film précédent à Nos années folles. Donc voilà, bon, avec Céline Salette et Pierre de La Donchan, je me dis bon, bah allez, on va partir sur ce film-là. Si je dois dire vite, en fait, je pense, à mon avis, que le sujet du film est intéressant. Comment échapper à la guerre. C'est une histoire vraie d'ailleurs, non? Ouais, c'est une histoire vraie, mais je pense que le gros souci du film, c'est que c'est beaucoup trop long. Il y a beaucoup trop de choses à raconter dans un film qui fait même pas 2 heures, je crois. Ok, eh bien, Seb, à toi. Ouais, je suis pas d'accord avec toi, Antoine, parce que tu dis, il y a trop de choses à raconter, et c'est trop lent, et il n'y a pas trop de choses à raconter, c'est qu'il n'y a pas tant de choses que ça à raconter, mais le film s'y prend super mal, en fait. Parce que bon, moi, l'histoire, elle me passionnait pas dès le début, mais je dirais pourquoi pas, c'est une histoire vraie. Bon. Mais c'est que surtout, le film, il se perd à raconter l'histoire par l'espèce de pièce de théâtre, je sais pas trop comment on appelle ça, leur spectacle. Il se perd à faire des retours en arrière, et en fait, ouais, il passe beaucoup trop de temps à rien raconter, mais en fait, c'est dommage que ce temps-là, il soit pas mieux optimisé. Et je te rejoins, il y a une espèce d'ellipse temporelle, c'est qu'en fait, le personnage, il passe de « je veux pas être Suzanne, là, je veux pas être en fille », et puis la scène d'après, eh ben c'est bon. Et puis limite, il veut plus être que ça, et tu te dis « waouh », alors soit il y a eu un revirement, mais le film te l'explique pas, quoi, et on te le fait gober, et puis à un moment, t'as un espèce de deuxième revirement où « ah bah je veux plus être comme ça, pour finalement je veux y être », ça, on peut spoiler là, hein. De toute façon, il craint rien ce film-là. Hein. On spoil pas, c'est après qu'on spoil. C'est un avis en bref qu'on te demande, pas une disserte. Garde-en pour la suite. Ouais, bah ok, bah, je le dirai à la suite, mais en tout cas, à la fin, sa femme, elle le bute. Et on sait pas pourquoi. Et du coup, je vais pas spoiler la fin-fin, parce qu'il y a une fin-fin que je garde pour la suite. Tu es fort aimable. Mais je veux dire, tu comprends rien dans le choix des personnages, quitte à ce que le sujet m'intéresse pas. Et moi, il y a plein de films où le sujet m'intéresse pas, puis finalement, tu dis, ah, c'est quand même bien mis en scène, ou je suis content de l'avoir vu. Bah là, le sujet m'intéressait pas, et à la fin, bah, j'étais pas content de l'avoir vu, quoi. Après, c'est pas mal joué, mais ça tient pas debout, quoi. En fait, on n'arrive pas à y croire. C'est une histoire vraie, ben ils ont réussi à la rendre non crédible. Et ça, parce que d'habitude, ils arrivent à un truc faux, ils arrivent à te faire croire que c'est vrai. Ben là, c'est vrai, ben tu crois que c'est faux, quoi. Voilà pour mon avis. Il ne reste que Sylvia, du coup. Alors, je suis beaucoup plus du côté de Seb que de celui d'Antoine sur la critique de ce film. Oh, mais c'est surprenant, ça, dis donc. Oh. Par contre, j'ai trouvé ça très long. Je te rejoins sur le fait qu'effectivement, il y a des longueurs et d'un autre côté, il y a des moments ça accélère et du coup, on comprend pas bien pourquoi. Et puis la fin, alors là, c'est du grand n'importe quoi. Et il y a une vraie problématique du coup sur le fait qu'ils aient pas réellement réussi à nous faire comprendre la psychologie des personnages. En tout cas, c'est mal fait, quoi. Je partage. Et du coup, il nous reste Mika. Alors, écoute, je vais essayer tant bien que mal de soutenir Antoine, du coup, parce que j'ai un point de vue un peu plus mitigé. J'ai pas passé un moment exceptionnel devant ce film. J'ai pas passé non plus un mauvais moment. J'ai trouvé globalement que c'était plutôt sympathique, avec pas mal de défauts, notamment avec le choix de raconter l'histoire en mélangeant les temporalités. Ça ne sert à rien, et en plus, il se perd. Donc c'est doublement problématique. Après, au niveau interprétation, je trouve que c'est plutôt bien amené, plutôt intéressant. J'aurais peut-être aussi un deuxième regret, c'est que le film a plus tendance à vouloir nous raconter une énième histoire de couple qui se délite plutôt que de se concentrer sur la découverte du travestissement du personnage, quoi, en fait, son expérience en tant que femme. En travesti, parce que ça reste... En travesti, oui, qui joue le rôle d'une femme, donc ça aurait pu être intéressant d'aller un peu plus loin. Mais voilà, j'ai pas passé un mauvais moment, j'ai pas passé un moment exceptionnel, donc... Voilà. Alors, pourquoi Pierre Murat a aimé ce film? Est-ce qu'on a une explication? Parce que Pierre Murat n'a aucun goût en cinéma. Ah, voilà. Je te rappelle que Pierre Murat... Et celui que quand il aime un film, nous, il faut pas qu'on aille le voir. Donc, on a une fois cette preuve. Pour recadrer les choses, Pierre Murat est un journaliste de Télérama qui officie aussi au Masque et la Plume. Et c'est vrai que généralement, quand il s'enflamme pour un film, Ben on a c'est tendance un film plutôt d'auteur nous... polonais avec un chien qui boite. Voilà, et on a plutôt tendance à pencher de l'autre côté. Voilà. Mais il en faut pour tous les goûts. Très bien, bien du coup, vu qu'on a été en bref, certains moins brefs que d'autres, on va passer du coup à la partie spoiler. Alors du coup, qui est-ce qui veut commencer? Antoine, est-ce que tu veux défendre ton film? Donner la primeur. Je vais te donner un coup de main, peut-être. Non, mais moi j'ai pas, c'est pas un film que je connaissais d'avant, donc je veux pas le défendre, je m'en moque un peu. J'aurais aimé, effectivement, je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, ce côté travestissement. C'est pas quelque chose d'anodin de se travestir. C'est vrai que là aussi, où il y a un problème de scénario, c'est qu'il a pas envie de se travestir, et le plan d'après, il va se prostituer, il adore ça. Effectivement, moi, il y a un truc que j'ai pas compris, je me suis demandé s'il y avait pas une version Director's Cut qui allait sortir. Parce qu'effectivement... La Snyder Cut. Non, plusieurs fois, il y a des raccourcis comme après ça. Après Justice League. Ouais. La Téchiné Cut. Ouais, je sais pas, j'ai pas compris. Mais ouais, effectivement, j'ai trouvé ça dommage qu'on s'intéresse pas plus au travestissement. Et moi, il y a un moment, je me suis dit, j'aurais aimé voir ce film réalisé par Xavier Dolan, en fait. Parce que je me dis, il aurait fait quelque chose, justement, de ce sujet qui est un sujet. C'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, tu as la Première Guerre mondiale, tu as ce travestissement, tu as aussi cette prostitution. À un moment, il essaie de faire plus ou moins un couple à trois. Enfin, je trouve qu'il y a plein de sujets dans le film. Et il n'y en a pas un qui est effectivement amené jusqu'au bout. Donc voilà, je vais laisser Seb parler parce qu'il avait beaucoup de choses à dire. Tout à l'heure. Ça s'appelle défendre son film. Ouais, moi, toi, tu le confies à Dolan. Moi, je l'aurais confié à Nolan parce qu'il y a différentes temporalités. Et je pense que pour jouer avec le temps, bah, il faut parler de Christopher. Quoi. Je voulais juste rajouter un truc sur le cabaret. Je trouve que le cabaret, alors c'est peut-être mal employé, mais je trouve que c'est une façon d'éviter la voix off. J'ai regardé pas longtemps Madame Bovary sur Netflix, là, ils ont mis des films de Chabrol. Et bah, y a des passages où il y a une voix off, je crois que c'est Chabrol qui parle, et c'est pénible. Enfin, ça me saoule, moi, cette facilité. Je trouve que c'est une facilité scénaristique, en fait, de faire avancer le truc sans trop se fouler. Et je trouve qu'effectivement, ce côté cabaret, qui à un moment, au début, moi je pensais que le cabaret était, je sais pas si le terme est bon, mais extra-diégétique. Je pensais pas qu'il s'appliquait au film. Moi je pensais que c'était un narrateur, en fait, qui nous racontait l'histoire et qu'au final, la pièce était filmée, en fait, et ce qui se passait dans la pièce, on le voyait en film. Et au final, à un moment, le cabaret rejoint la réalité du film. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je me dis, s'il n'y avait pas eu ça, on aurait eu certainement droit à la voix off. Et au moins, je me dis, ils ont essayé d'éviter cette facilité de réalisation. Voilà, je vous relaisse la parole. Alors, je vais juste rebondir sur ton histoire de cabaret. Alors, les scènes au cabaret sont certainement les scènes les plus colorées et les plus baroques du film. Cependant, jusqu'au moment où du film, où on est quand même, je pense, à quelque chose comme 1h20, 1h30, où la temporalité du cabaret rejoint l'histoire du film, et là on commence à partir sur autre chose, et on arrête du coup ce morcellement de passer du futur au passé des tranchées, à un petit peu plus loin, au travestissement, puis on repasse dans l'avenir, etc. Et c'est là justement où j'ai eu beaucoup de problèmes et j'ai commencé à sortir un petit peu les rames au niveau morcellement du récit. C'est parce que là, le récit est tellement déstructuré et pour rien en fait, parce que toutes les scènes du cabaret pendant la 1h15 de film sont juste là pour te dire texto ce que tu as compris par toi-même. Exemple, il y a un moment où une scène du passé se coupe directement et ensuite on enchaîne sur une scène du cabaret. Ça y est, Paul va devenir Suzanne. Non mais c'est bon, on a compris, merci. Pas besoin de me surexpliquer le truc. Alors déjà que le récit a un peu de mal à prendre de l'ampleur, je trouve. Alors peut-être que je me suis peut-être un peu trop focalisé dessus, mais le scénario fait partie des choses que je regarde en premier quand je vois un film. Et voilà, là pour le coup, je trouve qu'il y a des gros soucis d'écriture. Et au-delà du souci d'écriture du scénario, il rajoute des couches de temporalité qui sont juste là pour dire au spectateur, bon bah voilà, t'as vu ça. Ah, mais j'avais compris, merci. Bah, après, sur ce cabaret, pour finir, vu qu'on est sur ce sujet, je te rejoins Antoine, c'est une bonne idée, mais le film aurait dû démarrer là-dessus, en fait, dans ce cas-là. C'est-à-dire que tu démarrais pendant le cabaret et tu comprenais tout de suite qu'en fait, les passages du cabaret te racontaient cette histoire-là. Parce que là, en fait, ça arrive quand même au bout de, je pense, bien d'une demi-heure, facile, hein, la première fois que tu le vois. Et puis après, tu l'as entrecoupé pour raconter plus ou moins la même chose. Et voilà, je pense que l'idée était bonne, mais alors tellement mal exploité que ça gâche tout, en fait. Et il y avait du potentiel, mais je pense qu'il fallait prendre le parti dès le début de partir sur ce cabaret, quoi. Alors peut-être qu'effectivement l'idée est mal mise en place. Mais je trouvais que je me suis dit si on n'avait pas ça, on aurait eu droit de la voix off, en fait. Et je fais c'est non bon, non mais off, je te rejoins, mais voilà, c'est très mal mis en place. Et après, c'est pire moi, la voix off, hein, c'est pire. La voix off, c'est vraiment le niveau zéro de la paresse d'écriture. Non, il y a pire que la voix off, il y a le texte qui défile 30 secondes avant la fin. Et qui se fait dans beaucoup de films où en gros on veut pas te filmer, on veut même pas payer un mec qui lit, donc on te balance un stagiaire qui a tapé un écran, et ça c'est ça m'horripile. Mais bon, ça c'est pour les histoires vraies. Ça c'est pour les histoires vraies, ça en général. Jacqueline machin a vécu jusqu'à l'âge de machin, elle s'est mariée, ouais. Elle voilà. Et puis ensuite, ouais. Ça, en général c'est ça. Ouais, enfin en général c'est la partie intéressante qu'il n'y a pas du film, quoi. Sinon ça s'appellerait un documentaire. CF de Gaulle pour ceux qui ont vu le film, passons. Ah oui, mais tu cherches les problèmes aussi. Alors bref, revenons à ce merveilleux film. Non, je trouve que pour un film qui se base pendant la guerre mondiale, où tu as le côté désertion, je trouve que le film arrive pas du tout à te faire sentir la peur du protagoniste. Et moi je trouve ça hallucinant avec le sujet. On devrait avoir peur pour lui, le cœur qui bat. Enfin, moi, je prends cette scène Inglorious Bastard, où rien qu'en en 30 secondes, Inglorious Bastard, t'as le mec qui est planqué, tu as le cœur qui bat, tu vis, il y a une émotion entre la musique, le jeu d'acteur, c'est tout bon. Là, bah, tu vois le truc, limite, tu t'en fous, se fait pas choper, enfin, il n'y a pas ça. C'est quand même dommage, quoi. En fait, c'est quand même un point. L'impression que. Au-delà de la peur, il a juste pas envie de prendre ce risque, mais que c'est pas fondé sur une peur énorme qui te ferait faire n'importe quoi. C'est juste, t'as presque l'impression que c'est très réfléchi, quoi. Je pourrais mourir, j'ai pas envie de mourir pour mon pays, donc je me casse. Ouais. Mais du coup, moi, ça m'a manqué parce que je pense que la scène d'intro, on aurait eu pourquoi pas ce spectacle où tu comprends que ça va être un peu le truc. Et derrière, on te met une scène à la Inglorious Bastard où tu te prends une claque et je pense que le film, tu rentres dedans et après, tu vis pas pareil l'émotion. Là, en fait, tu démarres, c'est plat, bof. Mais c'est pareil, quand la guerre est finie et que lui, il est gracié. J'ai pas compris quel moment, vu que en fait, dès qu'il est déguisé en femme, il sort, il se cache plus. Moi, j'ai pas réussi à comprendre à quel moment la guerre était finie et c'était tranquille pour lui, en fait. Bah, en tout cas, quand il sort au début, on sait pareil, tu pourrais avoir de la crainte pour le personnage en disant, mine de rien, il peut être démasqué. Ou... Surtout qu'il n'est pas crédible pour deux sous, quoi. On a vu un autre film sur, je crois que ça s'appelle Miss, où c'est l'histoire d'un mec qui a envie de faire le concours Miss France et donc qui se travestit. Ah oui, il est pas vieux ce film. Et franchement, le mec, quand il est en femme, il ressemble vraiment à une femme. Enfin, je pense que tu le croises dans la rue, tu sais pas en fait que c'est un mec. Alors que là, le gars, tu le vois, enfin, je suis désolée, il fait quand même pas hyper crédible en fille. Hein. Pourtant, il s'épile bien. Par contre, là où j'ai trouvé que c'était intelligent, effectivement, il fait pas crédible. On arrive quand même à le reconnaître, mais il sort la nuit. Et je pense que la nuit, tu peux plus facilement faire illusion. Parce que t'es éclairé avec la lune, ça cache quand même bien les défauts. Bah, dans le bois de Boulogne peut-être, mais après quand il va faire les fêtes dans l'espèce de palace, là, à mon avis, il est quand même bien éclairé. Oui, mais à partir du moment où il va dans les palaces, c'est là où moi j'étais un peu perdu, c'est que là, ils savent très bien que c'est un garçon en fait, ils savent très bien que c'est un travesti, et c'est là où je croyais même que la guerre était déjà finie, moi. Enfin, c'est là où moi... Et puis ils savent que c'est un déserteur d'ailleurs, à ce moment-là, parce que le mec là qui drague sa femme, il lui dit quoi. Donc en fait, il est déjà démasqué, mais au final, tout le monde s'en moque quoi, pratiquement. Et alors justement, tu parles de cette scène-là, Sylvia... Alors là, le rôle de la femme qui, au début, à la rigueur, est peut-être le plus intéressant, où elle va chercher un moyen de le protéger. Bon, je dis vraiment intéressant, c'est vraiment, je fais une emphase positive, très gentil. Admettons. Mais pourquoi pas, son rôle, il est un peu intéressant à sa femme au début, mais je trouve que là, après, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire croire? Alors après, je sais pas si c'était l'histoire vraie, l'histoire pas vraie, on sait même plus trop au final, mais après, à partir de ce moment-là, elle, c'est... Alors elle veut pas tromper son mari jusque finalement il se supporte plus, jusqu'à ce que j'ai dit tout à l'heure, elle le tue, jusqu'à la scène presque post-crédit Marvel où elle revient. Mais tu te dis, mais pourquoi? Tu sais, c'est pour me préparer l'épisode 2, quoi. mais Son rôle, il sombre alors complètement, et je trouve ça mais super dommage, quoi. Il n'y a pas d'attachement au personnage. Moi, j'ai... à la fin, il n'y a même pas cette tension de se dire, elle prend, est-ce qu'elle va le tuer, est-ce qu'elle va le quitter. Non, à un moment, elle prend l'arme, elle le tue, mais sort de nulle part. Alors, ça sort de nulle part, et puis je trouve que la psychologie du personnage, bon, ok, la femme, elle est folle de lui, elle est prête à tout accepter, le fait qu'il couche à droite, à gauche, etc., et elle reste parce qu'elle est, elle est trop amoureuse. Après, tu bascules sur « j'ai peur, il va nous faire du mal à moi et mon bébé, donc je le descends ». Et elle revient et elle file le nom de ce mec qui était quand même devenu un peu taré à son gamin. Enfin, je veux dire, elle est complètement cinglée, là. Faut qu'elle se fasse interner, j'ai envie de dire, cette pauvre dame, quoi. Enfin... Et puis, la fin, je trouve qu'on s'en doute assez facilement. Le nombre de plans qu'on voit sur le pistolet, des plans qui servent à rien, en fait, si tu analyses les scènes que tu vois, sauf que tu te doutes que s'il y a un plan, à un moment, elle le met sous l'oreiller, tu le vois, il apparaît, tu te dis, c'est qu'à un moment, il va servir ce flingue, il va servir à quelque chose. Je me suis dit, il y a un moment, il y en a un qui va mourir. Alors, je ne savais pas lequel des deux c'était, mais je trouvais bizarre qu'on voit autant de plans avec ce pistolet, parce que c'est des plans qui amenaient rien, enfin, qui, sur le moment, n'amenaient rien, en fait, mais qui, voilà, qui te laissaient... Bon, Mika, on ne t'entend pas beaucoup, je ne sais pas si tu dors déjà ou... Non, je suis là. J'ai pas grand-chose à dire, en fait, sur le sujet. Encore une fois, hein, j'ai pas passé un mauvais moment devant le film. J'ai juste trouvé, parmi tous les sujets qu'il a amorcés durant 1h40, 1h50, il a choisi de se concentrer sur celui qui est le plus cliché et le moins intéressant. Et en fait, c'est ça que je trouve vraiment dommage. Parce qu'il aurait pu parler, effectivement, des déserteurs de la Première Guerre mondiale. Ça aurait pu être super intéressant. Il aurait pu parler du travestissement et proposer peut-être une réflexion sur la transidentité, ce genre de truc. Ça pourrait être super intéressant. Puis non, il se focalise sur un couple qui se délite. Le truc, la tarte à la crème qu'on a soupé à toutes les sauces, dans toutes sortes de films, de toutes nationalités, qui est, si j'étais un petit peu cynique, je dirais que c'est un peu le scénario de base quand t'as pas d'idée sur quoi écrire. Tiens, et si je mettais un homme et une femme qui s'engueulent et qui vont finir par se séparer. La bonne idée. Mais donc, tu sais, Mika, même sur ce sujet, j'allais dire presque le même thème, d'une histoire de couple avec le mec qui se travestit, alors même si c'était pour une raison différente, et sur comment le couple peut survivre ou pas à ça, il y avait un film qui avait été fait avec Romain Duris. Alors j'avoue que j'ai perdu le nom du film, mais franchement, c'était quand même vachement plus subtil que ça et beaucoup plus intéressant et mieux traité, quoi. Alors je ne l'ai pas vu. Le seul film auquel il m'a fait penser, c'est Danish Girl, qui est un peu, même si l'histoire est différente et tout ça, mais il y a ce côté du garçon qui se travestit. Mais bref. Ah, une nouvelle amie, aussi... c'était le film. Une nouvelle amie, d'accord. Moi, le film, il m'a fait penser. Alors pourtant, c'est juste pour l'ambiance. Parce que c'est vrai que des films sur les années folles, de mémoire, moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais il m'a fait penser à un film qui, bon, il n'y a pas beaucoup de rapports. Le film ne parle pas du délitement d'un couple, mais c'est Au revoir là-haut, en fait. Ah ouais, enfin là, on n'est pas du tout dans le même niveau. Non, mais on n'est pas du tout dans le même niveau. Ah, on n'est pas dans le même délire, là, ouais. Là, chef-d'œuvre versus... versus quelque chose de mineur. Versus je sais même pas quoi, ouais. Un film. Non, si, il y a un plan où le mec il est défiguré, il va se faire refaire la mâchoire, effectivement, c'est le plan qui peut y faire penser, mais le soldat qu'il rencontre, là, le premier qui drague, effectivement, il y a un côté au revoir là-haut à ce moment-là. Bah, quand il est dans l'hôpital où tu vois deux, trois gueules cassées, tu vois, puis après, tu as les scènes de danse. Je me souviens que dans ce film, il y avait beaucoup de scènes de danse, et les scènes de cabaret, justement, là où tu les vois danser, voilà, c'est bon, c'est les seuls. Ouais. C'est aucun homme, mais les films n'ont aucun rapport. Non, mais même après. La réalisation, la caméra de Dupontel quand elle se balade, quand elle. Il y a du talent. Là, il n'y a pas de talent, là, les plans. Là, t'as une scène de cul au début, tu te demandes à quoi elle sert. T'as l'impression que c'est la scène, tu sais, des films un peu intello, où en fait, il y a toujours, paradoxalement, une espèce de scène de cul. Moi, ça me fait toujours rire dans ce genre de film-là, où. Et en fait, elle arrive dès le début, pratiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une raison qui peut faire que pourquoi pas. Non, bah, on si, balance ils ont envie... cette scène-là. Bah si, ils ont envie de niquer, c'est ça la raison. Ouais, enfin ça dans, oui, enfin dans tous les films, tu peux mettre ça en début, mais si tu veux, il faut que ça, enfin pour moi, ça doit servir un propos ou être la base d'un truc. Là, en fait, on te balance ça, mais ça ne change rien. Si, on peut peut-être te faire croire qu'ils ont un amour charnel au début, mais je trouve que dans ce cas-là, ils le passent pas bien par cette scène-là, quoi. Bon, il y a pas grand-chose qui passe bien dans le film, on va être honnête. Bah, le générique de fin passe pas trop mal. Après, effectivement, on est complètement dans le film intello, hein, des têtes d'affiche jusqu'au... Ouais, encore un télo, faut y aller doucement, hein, parce que... Film d'auteur, si tu veux, film d'auteur, voilà. Ouais, d'accord, mais qui essaye de faire un film de petit malin, mais qui n'y arrive pas, quoi. J'allais dire film d'auteur raté, quoi, quand même. Ouais. Ah bah, il y en a, ça existe. Hey, c'est un film d'auteur qui vise pas très haut. Excellent, excellent. Mais ouais, du coup, c'est vrai que... C'est vrai qu'on a un petit peu de mal à trouver des qualités à ce film. Et j'ai l'impression que plus on y réfléchit et plus on... Ah non, je te rassure, hein, j'ai pas besoin d'y réfléchir, moi. Je dirais que les acteurs, quand même, jouent plutôt bien pour trouver une qualité. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ouais, ils sont plutôt bons dans leur rôle, hein, de ce côté-là. Voilà, on a trouvé un point positif. Attends, pour m'être tapé pas mal le film d'Emmanuel Mouret, je te jure que quand les acteurs jouent bien, rien que ça, ça fait déjà un bon film. Donc déjà, rien que pour ça, le film est sauvé. Et ça dénonce. Bon, ben, je crois qu'on a fait plus ou moins le tour de notre amour de ce film. Je crois qu'on peut passer aux scènes marquantes. Alors, là, ça va être telle va être la question. Est-ce que... Qui a des scènes marquantes? Lesquelles? En positif, en négatif? Allez, on va dire alors. Moi, j'aimais les scènes de danse. D'ailleurs, j'y reviens parce que je suis pas quelqu'un qui danse. C'est pas ma passion. Mais je trouve les danses de ces années-là, quand je vois les gens danser, j'ai vraiment l'impression qu'ils s'amusaient sur scène en fait. Et je trouve que cette ambiance de plaisir, ouais, de joie qu'on retrouvait, pareil, dans Au revoir là-haut, là, bah, les quelques scènes qu'il y a, je les ai bien aimées. Voilà. Alors, c'est pas pour leur virtuosité, mais c'est surtout parce que j'ai vraiment l'impression que les gens qui dansent prennent plaisir à danser. Voilà. Je peux pas faire plus. Ah ouais. Bon, et Seb, je te vois te torturer dans l'idée, qu'est-ce que j'ai bien trouvé de marquant? Il y a rien de marquant là-dedans. Si, bah, j'en ai une marquante, moi, et qui m'a vraiment fait lâcher le film, c'est la scène où il va draguer le soldat là pour la première fois. Elle est marquante parce que ça sort d'où ça? D'un coup, ça pop. Tu sais, comme un pop-up, un mauvais truc où tu te dis, tiens, il y a eu une cut là. Donc moi, elle m'a marqué dans le film en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce montage, quoi? Où j'ai dû louper, je me suis pas endormi et je comprends pas. La scène n'a pas de lien avec la scène d'avant, mais c'est même plus un saut temporel là, c'est un saut psychologique. Donc ça m'a perturbé, quoi. Voilà, c'est la scène qui m'a marqué, moi. À toi, Sylvia. Alors, je vais essayer d'en trouver une un peu positive. J'ai trouvé que la chef là, de l'atelier couture, elle était assez sympathique. Enfin, on sentait qu'elle était dans le soutien avec l'héroïne. Et à un moment donné dans le film, elle pense que... Je crois que je me demande si c'est pas sa mère. Et il me semble à un moment du film qu'elle l'appelle maman. Ou j'ai rêvé. Je crois que t'as rêvé. J'ai rêvé. Je crois okay. que. Ouais. Ok, ok. Ouais, je crois que t'as rêvé. Hein. Ok, et ok. Faut que je change de marque de farine. Je parle pas de celle qui a les cheveux blancs. Hein. Je parle vraiment de celle qui est dans l'atelier couture. Oui. Parce que sa mère, elle est dans la maison, quoi. C'est pas la non, même. C'est... Non, c'est sa grand-mère. Ah oui, peut-être. c'est dire qu'on était passionnés par le film. Tous autant qu'on est. Bref. T'as raison, c'est sa grand-mère. Et en fait, elle dit à l'héroïne, en fait, elle pense que l'héroïne, elle est en couple avec Suzanne, mais avec Suzanne en tant que femme et pas avec Suzanne en tant que son mari qui se serait travesti en femme. Ça me fait penser au dessin du pingouin qui a fait polémique, là. Alors, est-ce que si je sors avec ma femme qui est déguisée en homme ou... C'est trop marrant, je trouve, raconter comme ça. Oh putain. Je me dis, si t'as pas vu le film, tu dois te dire, mais c'est quoi ce truc, quoi? Et du coup, la femme lui dit, t'as de la chance parce que moi, de mon temps, en gros, je pouvais pas m'exprimer sur le fait que j'étais lesbienne. Enfin, c'est ça en sous-texte. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison. Ce qu'elle lui dit, et j'ai trouvé que c'était plutôt joliment fait. Voilà. C'est subtil en tout cas, voilà. C'est vrai. C'est vrai, je reconnais. Et toi, Mika? Alors Mika moi, c'était. Est en pleine réflexion. C'était, ouais, non, j'ai ma petite idée, en fait, parce qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué dans ce film. Honnêtement, je vais être honnête, hein, je pense que d'ici une semaine, je l'aurais oublié. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu surpris, et c'était fait pour, et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. C'est justement cette scène où, on ne sait pas pourquoi, il va décider de draguer le soldat qui est du coup à la moitié du visage dans une espèce de prothèse en fer et tout ça, qui lui maintient le visage, donc typique la gueule cassée, en fait, clairement. Et la façon dont c'était fait, effectivement, et c'était bien fait, il n'y avait rien de sensationnel là-dedans, mais c'était bien fait, on disait, bon, du coup, elle s'approche du bonhomme, ils vont taper, ils discutent, machin, et tout ça, il est plutôt beau gosse, ok, d'un coup. Et puis là, du coup, on voit que c'est une gueule cassée, on voit l'autre visage, j'ai eu un petit mouvement de recul, j'ai fait, oh, ok, d'accord, voilà, donc c'est à peu près le seul moment où j'ai légèrement haussé un sourcil. Donc faute d'avoir eu une transcendance à un moment, voilà, je prends le haussé de sourcil. Ça veut beaucoup dire sur la qualité de ce film. Je le crains. Eh bien, je crois qu'il est grand temps de conclure. Et donc du coup, sur notre barème fétiche, on le regarde comment ? On va commencer par Antoine, c'est ton film. Ouais, même pas sur un téléphone, parce que déjà un téléphone, ouais, bah à la télé alors. Mais c'est vraiment parce qu'il n'y a rien d'autre. Bah, ok, Seb. Il y a le téléphone. Vraiment, moi j'ai trouvé un nouveau mode en fait, parce que le téléphone c'était trop pour moi, et je trouvais que c'était trop d'honneur au film, donc tu le regardes sur Allociné, la bande-annonce, tu as 2 minutes, tu as compris l'histoire, et c'est mieux, donc c'est une nouvelle version encore plus basse que le téléphone, j'ai beaucoup cherché, et donc tu regardes sur Allociné, la bande-annonce. Et toi, Mika ? Sylvia, t'as dit sur téléphone ? Téléphone. Bah écoute, moi je vais mettre à la télé. Parce qu'il y a quand même peut-être 2-3 trucs à sauver, mais vraiment 2-3 trucs. Quoi. Je pense que c'est quand voilà. même un des films qui a eu le plus mauvais score. Hein. Depuis qu'on a commencé ? Oh oui. Oui. Ah. Oui. Oui, oui, oui. Celui de la semaine dernière ? Enfin, du mois dernier ? Oui, plus que celui de la semaine dernière. Il n'a pas eu un seul téléphone, celui de la semaine dernière. Ah, ouais. On l'a tous regardé à la télé. Bon, et bien voilà qui conclut ce que l'on avait à dire sur nos années folles. Donc après, on laisse nos auditeurs juges de est-ce qu'ils vont se laisser tenter ou pas. Après s'être fait spoiler la tronche au bout de à peine 3 minutes. Non, le spoiler c'était que son gamin avait le nom de son père déguisé en femme. Mmh. C'est ça le vrai spoiler. Youhou. Et oui, c'était ça. Et donc, alors, la scène post-crédit. On va essayer de se rattraper sur la petite reco. Vision, nous sommes vraiment un couple pas comme les autres. Nous n'avons pas de chanson, même pas d'alliance. On peut remédier à ça ? Je le veux. Et toi ? Je le veux. Je ne comprends pas ce qui se passe. Oh, mais c'est la grande vedette du spectacle. Que veux-tu dire ? Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Et du coup, cette semaine, on va laisser de côté le film d'auteur français pour retomber dans quelque chose de beaucoup plus mainstream, puisqu'on va vous parler de WandaVision, qui est la première série du Marvel Cinematic Universe, qui raconte... Bonne nuit, hein. Enfin, à la prochaine. qui nous permet du coup de retrouver les personnages de Wanda Maximoff et de Vision, quelques temps après les événements d'Avengers Endgame, où on les retrouve dans une sitcom des années 50. Voilà, c'est comme ça que la série démarre. Voilà, de toute façon, je ne vais pas m'embêter à faire les grandes lignes de l'histoire puisque j'ai lu que c'était la série la plus regardée du monde. Donc globalement, je pense qu'il y a déjà... Tous ceux que ça a intéressé l'ont déjà vu. Non mais, alors attends, juste là-dessus, toutes les séries, à chaque fois, Netflix, alors c'est la série la plus regardée du monde. Le lendemain, Lupin, c'est la série la plus regardée du monde. The Witcher, c'est la série la plus regardée du monde. Game of Thrones, c'était la série la plus regardée du monde. En fait, toutes les séries sont les plus regardées du monde. Bientôt, Mimi, Joséphine, Ange Gardien, ça sera la série la plus regardée du monde. Donc... Il faut se méfier de ça quand même. Oui, mais ça a une temporalité. Et puis aussi, il faut savoir qu'on ne peut pas comparer le visionnage de Game of Thrones et le visionnage d'une série de Disney+, puisque le mode de calcul est totalement différent. Il faut savoir qu'on est comptabilisé comme spectateur de la série à partir du moment où on en regarde 2 minutes. Donc, tu et comme quand deux tu minutes te connectes, truc, ça te fait lire déjà le truc. Tu es compté comme un viewer rien que parce que ça te lit en fond le truc. Quoi. Exactement. À partir du moment où tu as regardé 2 minutes du programme, on considère que tu as regardé le programme et donc du coup, tu apparais dans ces chiffres. Voilà. Eh ben. Effectivement, on ne peut pas comparer avec, les standards de visionnage de la télé classique, notamment de HBO et Game of Thrones. C'est aussi vite regardé que ça s'oublie ou pas ? Parce que moi, j'ai quand même souvent l'impression que toutes ces séries là, qui sont tout le temps numéro 1, tu les as oubliées 10 minutes après les avoir regardées. Mais alors, WandaVision, je vais être d'accord avec toi. C'était une série dont je trouvais le concept plutôt intéressant. J'étais un peu curieux de savoir où est-ce qu'ils allaient mener la chose. Mettre des super-héros dans une sitcom des années 50, c'est suffisamment barré pour m'interpeller. Il y a 9 épisodes, du coup. Les 3 premiers m'ont interpellé, les 3 suivants m'ont ennuyé et les 3 derniers m'ont déçu. Ça résume un petit peu mon avis. Alors, peut-être que j'en attendais trop, que j'ai oublié un petit peu que Disney faisait surtout du divertissement pour toute la famille et que du coup, ils n'allaient pas commencer à traiter en profondeur le sujet dont est censé traiter la série, en fait, le deuil. Alors là, je vais spoiler, parce qu'à ce stade-là, on n'en a plus rien à foutre. Toutes les personnes qui ont vu Avengers Endgame savent que Vision est mort. Donc du coup, Mort dans celui d'avant, hein. Enfin, tu n'es pas précis, il est mort dans Infinity Wars. Oui, bon, bref, il est cané. Et du coup, il réapparaît dans cette série sans explication. Et en fait, on comprend que c'est Wanda qui modifie la réalité pour ne pas faire face à son deuil. Donc déjà, moi, un truc comme ça, je fais banco. On parle du deuil, de la difficulté à l'accepter, tout ça, ça peut être intéressant. Et la résolution de ça, du pitch de la série, c'est dans le dernier épisode, il y a sa copine qui vient la voir. Non mais Wanda, c'est quand même pas bien de manipuler les esprits des gens. Il faut que tu passes à autre chose, il faut que tu fasses ton deuil. Et ce à quoi elle répond, alors c'est pas la ligne de dialogue exacte, mais globalement c'était ça. Ouais, t'as raison, il faut que je fasse mon deuil. Va mourir, clairement. Voilà. Bon, alors après, je vois que Seb, t'es en train de bouillir intérieurement, alors je te laisse défendre la série. Non, t'as le droit d'avoir presque entièrement tort, donc ce que tu l'as pris ce droit, écoute, c'est bien. J'attendais beaucoup de cette série, parce que moi, j'avais peur de Disney, et quand j'ai vu ce qu'ils ont fait avec Mandalorian, je me suis dit, tiens, WandaVision, Endgame m'avait un peu... m'avait remis bien avec le Marvel Universe, là, parce que moi, je commençais à me lasser vraiment très fort de tous les films Marvel. J'allais les voir, et à chaque fois, je comprenais pas que j'allais les voir. J'en ai sauté quelques-uns, et en allant voir les deux derniers Avengers, finalement, j'ai rattrapé mon retard, ce que j'avais loupé. Et puis là, du coup, j'en attendais pas mal, et j'ai trouvé ça assez génial, avec un petit bémol pour le dernier épisode. Mais moi, le concept, le jeu d'acteur, la réalisation, le temps passé, j'ai trouvé ça génial. Où tu démarres dans les années 50 et chaque épisode, chaque vendredi, on gagnait 10 ans. On passait de la vieille sitcom avec les rires enregistrés à la sorcière bien-aimée avec le générique, à Malcolm, Modern Family, c'est-à-dire repasser en revue tous les concepts de série à chaque semaine, pendant 5 semaines. J'ai trouvé ça très bien fait et franchement... j'ai passé un super moment de clin d'œil, notamment l'épisode Malcolm, que j'ai trouvé vraiment très très... C'est combien de temps un épisode ? C'est 25 minutes, 30 minutes, sauf le dernier qui est à peu près à 45. Mais c'est 25 minutes sinon. Moi j'étais très pris, et franchement c'était vraiment devenu le rendez-vous du vendredi soir. Et puis l'histoire au bout du 6e à peu près, effectivement, rebat les cartes et on quitte un peu ce mode sitcom. Pour revenir un peu reboucler avec l'histoire, hein, qui était en filigrane, hein, qui était en général les 30 dernières secondes de l'épisode. Et là, moi, j'ai trouvé ça super, sur le deuil, justement, la façon d'amener, encore une fois, toujours très bien joué, avec des clins d'œil, et puis le cassage de quatrième mur, avec celui qui joue dans les X-Men et tout, enfin, franchement, c'était assez bien pensé. Ouais, si. tu n'es pas objectif, parce que tu parles d'Elisabeth Olsen. Non, non, non, là, je te parle de celui qui jouait... Paul Bettany. Je suis désolé, dans cette série, ils ont autant de présence qu'un pot de fleurs. Hein, je suis désolé. Mis à part qu'on voit qu'ils s'éclatent à faire les sets de sitcom, mais qu'ils ne savent pas les faire, que ce ne sont pas des acteurs de sitcom. Voilà, globalement... c'est super bien fait, par contre. J'ai rien à dire sur les sitcoms. La reproduction, elle est géniale au niveau des décors, au niveau des costumes, même au niveau des prises des vues, des angles de caméra, tout est respecté à la lettre. Voilà, c'est à la limite du plagiat. Alors, j'ai un problème avec ça. C'est bien vu, ok, c'est bien fait, ok, machin. En quoi ça fait avancer l'histoire ? Et eh ben en rien, non, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça marrant, les trois premiers épisodes. Je me suis dit, oh, c'est marrant, c'est machin et tout. Et quand tu vois au fur et à mesure que l'histoire s'installe et que la sitcom est juste là pour faire de la référence, pour faire de la référence, qu'ils ne s'en servent pas, qu'ils ne l'exploitent pas derrière, moi, les trois épisodes suivants, le Malcolm, Modern Family, je fais, mais c'est bon, on a compris, vous n'allez pas nous faire toutes les sitcoms de la Terre non plus. En fait, on ne vise pas la même chose, moi, sur une série comme ça, une série qui dure 20-25 minutes. Pour moi, c'est pas une série où j'attends une histoire qui évolue. Je t'explique, Friends par exemple, ou How I Met Your Mother, ou Modern Family, ou même des Malcolm, je trouve que c'est ça qui est bien dans ces séries-là, c'est que en fait, tu sais pas vraiment quand il y a le début, quand il y a la fin. Alors certes, il y avait un début, certes, il y avait une fin, mais tu peux tomber sur un épisode et en gros, le contexte, tu t'en moques et tu passes un bon moment. Et moi, ce genre d'épisode, je serais à mon avis capable, je retombe dessus et je le regarde et en fait, je m'en fous. J'attends pas d'une série comme ça que l'histoire avance. Et est-ce que je vais quand même expliquer le bémol, et d'ailleurs que j'ai un peu plus compris après à cause du Covid, ils ont pas fait il leur manque un épisode, c'est que justement t'as une série qui n'avance pas, mais c'est bien parce que tu profites, en fait on s'en fout de l'histoire. Et en fait, à la fin, en un épisode, il faut reboucler les cartes, faut faire le lien avec le prochain film. Et du coup, le dernier épisode, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Je pense qu'il a coûté très cher. C'est peut-être celui qui a coûté le plus cher. Mais j'ai pas aimé en fait le combat. Très moche en plus. On est revenu sur du Marvel. En fait, le dernier épisode, on revient sur un Marvel un peu classique avec une opposition. Mais moi, je m'en moque qu'il y a un méchant, qu'il y a un gentil. Et bon, voilà. Et par contre, la fin, moi, j'ai à nouveau me replay. Mais c'est vrai que pendant le dernier épisode, il y a 25 minutes. Où c'est du combat dans l'air, effets spéciaux, et c'est plus que j'attendais. Oui, mais du coup, moi franchement, j'ai passé un super moment, et il n'y aura qu'une saison, et je pense que je re-regarderai des épisodes, je trouve que c'est une grande réussite. Quoi. Ouais, il y aura une saison 2, trop de pognon en jeu. J'ai une question, comme moi, par exemple, si vous ne connaissez pas grand-chose à l'univers Marvel, est-ce qu'on peut regarder cette série sans rien y connaître? Ou est-ce que c'est tellement méta, il y a tellement de références que si on n'en a aucune, au final... Non, tu loupes quelques trucs. Il y a quelques moments où, notamment, il y a un personnage qui intervient. Je pense que c'est un des moments où, si tu ne comprends pas l'engouement des faux rires ou des spectateurs, quand il y a un mec de la... En fait, X-Men a été racheté par Disney. Et X-Men, ils avaient un personnage, du coup, qui était obtenu par la Fox. Et Marvel n'avait pas le droit d'utiliser le même personnage. Et sauf que maintenant que Disney a racheté la Fox, en fait, ils ont profité de la série pour faire un très gros clin d'œil, mais qui est vraiment axé, où d'un coup, t'as un personnage qui arrive et ils font intervenir le personnage de la licence qu'ils ont racheté. Et ça, si tu suis pas, mais je dirais que c'est au-delà d'avoir vu les Avengers, en fait, si tu suis pas ce qui se passe dans les droits et tout, tu comprends pas forcément ce clin d'œil. Mais honnêtement, à part ce coup-là qui est 2 minutes... Il faut pas avoir vu Avengers pour... Alors évidemment, si tu connais pas du tout aucun personnage, mais honnêtement, si tu as vu 4 Avengers et que tu sais qui sont les deux persos, les deux protagonistes principaux, moi après, honnêtement... Parce que là-dedans, il y a la double référence, t'as Marvel, mais si tu connais pas les séries qui... Ah non, ça passe très bien, ça, au contraire. Ça passe très bien aussi, moi, Ah ouais, moi justement, parce que les deux premiers épisodes, j'avais pas les références. Je sais pas... toi, moi, autant Malcolm, Modern Family et Sorcière Bien-Aimée, ça passe, autant il y en a deux autres, je savais pas. Mais en fait, c'est pas grave, parce que tu vois que c'est les trucs un peu, les styles un peu vieux avec l'humour, mais vraiment, tu sais, le patron qui vient dîner à la maison et t'as un problème dans la cuisine. Enfin, tu sais, vraiment l'humour qu'il y avait à l'époque, qu'on peut voir dans les vieux films, et c'est vraiment très bien fait. Et ça, scénaristiquement, il l'amène, non? Qu'on se retrouve dans des pastiches de série, oui, non? Oui, tu as l'explication à l'avant-dernier épisode. D'accord. Je trouve ça assez subtil. Non, je la trouve bien. Par contre, il y a un gros bug temporel, en fait. C'est que, vu à l'époque où ça se passait, tu peux pas avoir Malcolm et Modern Family. Bon. Donc voilà, moi, j'ai trouvé la musique aussi très bien. Comme c'est la série la plus regardée, je pense que ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés, l'ont déjà vue. Et puis ceux qui ne sont pas intéressés, la regarderont pas. J'ai beaucoup aimé, moi. Moi, je suis beaucoup plus mitigé. Or, oui, j'en attendais certainement de trop. Mais voilà, après cette cognée des références de sitcom qui, au final, ne font pas récit et se terminer face à un face-à-face avec une méchante tout droit sortie des Power Rangers qui te fait « donne-moi tes pouvoirs !» Ouais, non, mais c'est bon, allez tous mourir, c'est bon, merci. Eh bien voilà, je crois qu'on peut conclure là-dessus sur cette émission. Il y a eu un petit peu de positif avec Seb quand même, parce que sinon effectivement on a été plus dans le négatif tout le long de cette émission. Oui, quand mais même. Constructif, négatif. Oui, constructif. Voilà, nous faisons un travail de qualité. On a proposé un remontage, une director's cut. Et c'est vrai, c'est vrai. André Téchiné, si tu nous écoutes, voilà, cette émission se touche à son terme. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager, la liker comme d'habitude. Nous on se retrouve le mois prochain pour un nouveau film. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Et à bientôt. Salut.